Bonjour, c'est Lucine Land. Pour cet épisode hors saison, c'est juste enregistreur, mes notes et moi, pour parler un peu de la création de ce podcast, la première saison et celle à venir. Et j'essaie de le faire en une prise, et c'est pas facile. Je ne sais pas pour vous, mais cette année 2019-2020 a vraiment été étrange. Le confinement sanitaire de 2 mois n'y est évidemment pas pour rien. Surtout que 2, voire 3 rencontres avec des autrices en mars ont dû être annulées ou reportées. Je n'avais pas envie d'enregistrer des interviews via Zoom, chacune derrière notre ordinateur, et un podcast par note vocale interposé sur nos téléphones, bof, je veux dire, d'autres l'ont fait, mais pour moi, bof. Je ne suis ni sponsorisée, ni rémunérée pour ce podcast, et vous devez deviner qu'entre la prise de contact, la préparation, le temps de rencontre, de montage et de mise en ligne, ce sont des heures de travail gratuites que j'accomplis. Donc j'enregistre qui je veux, comme je veux, et surtout comme je peux. Message au studio de podcast et à la presse, je cherche toujours du travail. Donc, la création du podcast Dangereuse Lectrice. Nous sommes en septembre 2019. La première édition du Festival Féministe Littéraire Rennais du même nom va se tenir aux Ateliers du Vent. J'ai super hâte d'y assister et je cherche comment produire quelque chose à partir de cet événement en plus des photos. J'écoute pas mal de podcasts depuis l'année 2018. Surtout des Français parce que c'est plus pratique pour moi. Quelques Québécois et Belges aussi. Un peu d'américain, même si souvent ça parle un peu trop vite pour moi, surtout au travail. Mais je n'ai pas encore l'opportunité d'essayer par moi-même. Et c'est là que Studio Dilettante intervient en me proposant de créer mon premier podcast avec leur accompagnement, et que l'épreuve du montage ne serait même pas totalement insurmontable. Oui, presque. Il paraît que le secret de la visibilité en ligne, c'est la régularité. Autant vous dire que j'ai totalement échoué entre les événements sanitaires et mes autres projets à mener en même temps. Mais c'est pas grave. Je suis contente d'avoir enregistré la parole de ces femmes qui lisent, écrivent, créent. Et je continuerai dès que j'en aurai l'occasion. Je sais que mon podcast n'a rien de bien original, ni même rien de vraiment remarquable, mais je suis persuadée que la parole des femmes mérite d'être diffusée le plus possible, parce que même s'il y a du mieux, c'est pas encore ça. La prochaine édition du Festival Dangereuse Lectrice est consacrée à la bouffe. J'ai pas encore pris le temps de me plonger dans la programmation et les inviter à contacter, mais ça ne saurait tarder car c'est une thématique qui me plaît vraiment beaucoup. Et pour être honnête, bien plus que la sorcellerie encore, car ce n'est pas juste par curiosité intellectuelle et militante envers un sujet d'actualité dans le féminisme, mais un de mes centres d'intérêt principaux dans la vie, le vin plus particulièrement. Je ne veux pas faire de promesses en l'air, mais si la rentrée se déroule comme prévu, la deuxième saison de Dangereuse Lectrice devrait être en ligne à partir d'octobre ou novembre. Je me laisse l'été pour préparer la suite, mettre à jour le site, toutes ces choses que je n'ai pas pris le temps de faire, parce que j'ai encore du mal à me projeter dans un avenir même proche, pour être honnête, et je ne fais pas partie des personnes pour qui le confinement a été des vacances supplémentaires, l'occasion de créer, lire, flâner dans sa tête, en regardant son pain levé, tout ça, tout ça. Par contre, j'ai relancé Netflix. Du coup, je mets dans les notes de l'épisode quelques recommandations de films et de séries, récents ou pas, disponibles sur le site. Des œuvres que j'aime particulièrement, comme Les filles de David Lynch, qui sont disponibles maintenant sur Netflix. Donc, d'autres centrales pour faire avancer la société, comme le récent Disclosure ou Dans leur regard. Et d'autres que j'ai aimées parce qu'il y a des personnages de femmes pas mal, ou qui refont carrément l'histoire, comme la série Bonbon Hollywood de Ryan Murphy, que je vous recommande vraiment beaucoup. Prenez soin de vous, et bon courage pour la deuxième moitié de cette année bizarre. Vous pouvez me retrouver sur Twitter @Lucy_Inland et Instagram LucyInland en un mot. Ainsi que sur ma page Tipeee, où vous pouvez glisser 1€ ou 2 pour me soutenir. Merci à Studio Dilettante sans qui cet enregistrement n'aurait pas été possible. À bientôt!